إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله هو حديث عظيم جاء عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وفي رواية لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم ذكره بمعناه ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Donc le sujet de notre cours بحول الله تعالى il concerne un hadith grandiose parmi les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith il est rapporté par Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu qui dit ou qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté par un rappel qui a fait frémir les cœurs et a fait couler les larmes de nos yeux. Alors une des personnes présentes dans l'assise a dit ô messager d'Allah, c'est comme s'il s'agissait d'une exhortation d'adieu. Alors conseille-nous, donne-nous un conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je vous recommande la crainte d'Allah azza wa jal, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, quand bien même vous serez dirigé par un esclave abyssin. Car certes, celui parmi vous qui vivra assistera à de nombreuses divergences. Tenez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez dedans à pleines dents, avec les molaires. Et prenez garde aux innovations, car certes toute innovation est égarement. Et dans une version, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur le chemin clair, de jour comme de nuit, ne s'en écarte et n'en dévie que celui eh bien, qui est voué à la perdition. Il est rapporté d'après Jabir, dans l'authentique de l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ensuite, certes la meilleure des paroles et le livre d'Allah Azza wa Jal est la meilleure des guidées et la guidée du messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des affaires sont les innovations, et toute innovation est égarement. Le rapporteur de ce hadith, comme on a vu, c'est Abu Najih al-Ilbab ibn Sariya radiyallahu anhu wa ardah. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ala kulli hal, al-Ilbab ibn Sariya était parmi les premiers musulmans, et il disait d'ailleurs de lui-même à ce propos-là qu'il avait été la quatrième personne à avoir embrassé l'islam radiyallahu anhu wa ardah. Et il faisait partie des gens pauvres qui n'avaient pas de domicile. Il n'avait pas où dormir. Radiallahu anhu wa ardah. Il faisait partie de Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, ce sont des gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un banc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il restait là-bas. Ahl al-Suffa, yani le mot Suffa, justement, il vient de Suffa, qui veut dire le banc. Et lors de l'expédition de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris que, faute d'équipement militaire, il ne pouvait être incorporé au sein de l'armée musulmane. Et Al-Irbad, radiyallahu anhu, a été fortement attristé et déçu par cette nouvelle. Et Allah azza wa jalla a révélé un verset au sujet de ces gens-là. Faqala subhanahu wa ta'ala, wa la 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum 'alayhi aw litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله عز وجل في سورة التوبة il a révélé un verset concernant ces gens-là, et parmi eux Al-Irbad ibn Sariya رضي الله عنه, en disant: pas de reproche non plus sur ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et à qui tu dis: je ne trouve pas de monture pour vous, il n'y a pas d'équipement pour pouvoir eh bien aller à Tabouk avec moi. Et ils retournèrent leurs yeux, et retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Et parmi eux, il y avait Al-Irbad ibn Sariya. Et plus tard, Al-Irbad eh bien s'est installé au Cham, et il habita à Homs en Syrie. Et certains disent qu'il est mort en l'an 75 de l'Hégire, radiyallahu anhu wa ardah. وهذا الحديث حديث العرباض دل على أمور. Il faut savoir que ce hadith, le hadith de l'Irbad, eh bien prouve certaines affaires dans la religion musulmane. الأول أو الأمر الأول مشروعية أو مشروعية الوعظ والإرشاد للأمة. La première des choses que prouve ce hadith, c'est qu'il est légiféré eh bien d'exhorter et de guider la communauté. فَهُوَ مِنَ السُّنَنِ. Et ceci fait partie eh bien des traditions de l'islam et des traditions du prophète عليه الصلاة والسلام. وَهِيَ مِنَ الْأَسْبَابِ النَّافِعَةِ فَالْقُلُوبُ تَصْدَأُ وَتَجْلِيَتُهَا بِالتَّذْكِيرِ لَهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْغَفْلَةِ. Il faut savoir que les cœurs eh bien, ou justement les exhortations sont utiles. Pourquoi? Parce que les cœurs se rouillent, c'est-à-dire à force de ne pas avoir de rappel, eh bien le cœur il oublie et il est distrait, et le cœur ne peut être éclairci hein, que par eh bien justement les exhortations. En rappelant à la personne, eh bien son cœur sera éclairci, et en mettant en garde la personne par ses exhortations eh bien contre la distraction et le laxisme. Fal mawa'id bi ayati Allah ou bi ayati al-Qur'an وبيان معانيها لا سيما آيات الأحكام وآيات الترغيب والترهيب وذكر الوعد والوعيد فإن لها أعظم الأثر في قلوب المؤمنين. Il faut savoir que exhorter avec le Coran, avec les paroles d'Allah Azza wa Jal, en expliquant la signification de ces paroles, des paroles d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et encore plus eh bien les jugements des versets avec lesquels eh bien on exhorte et avec lesquels il y a, ou dans lesquels il y a une menace, tout en évoquant eh bien ces menaces et ces promesses qui sont faites dans ces versets, dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, eh bien il y a dans ces versets, dans cette exhortation bi'idhnillahi ta'ala, des effets pour les cœurs, pour le cœur des croyants. كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله عز وجل il dit et rappelle car le rappel est profitable aux croyants et Allah سبحانه وتعالى il dit également et rappelle avec le Coran ceux et bien qui craignent la menace de là on voit et bien que les cœurs et bien s'éclaircissent et la rouille qui s'installe sur le cœur si on peut s'exprimer ainsi et bien disparaît avec quoi avec le rappel des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en expliquant et bien l'essence des paroles d'Allah azza wa jal wa yaqulu Allah azza wa jal sayadhakkaru man yakhsha se rappellera celui qui craint ay anna ash-shaqi la tanfa'u fihi al-maw'idha wa la yastajibu laha et ça veut dire également que le malheureux en réalité aucune exhortation ne lui sera utile et il ne répondra pas à l'appel de ces exhortations. أما المؤمن التقي فهو الذي ينتفع بمواعظ القرآن والسنة في كل زمان وفي كل مكان. Alors que le croyant lui, eh bien, les exhortations du Coran et de la Sunna lui seront utiles, peu importe l'endroit et peu importe le temps. لذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين وقت وآخر ويتخولهم بالموعظة وخطبتي الجمعة. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps, eh bien, il exhortait ses compagnons. Et il prenait soin de le faire, que ce soit eh bien avec des exhortations ou avec le Jumu'ah, les deux prêches du Jumu'ah qui sont également et qui doivent être une exhortation. إذ مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به في الوعظ والتذكير لها أثرها القيم في نفوس الناس وعلى قلوبهم illa al-ashqiya. Quoi? Parce que les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent dans la manière d'exhorter, eh bien il y a dans ces exhortations un rappel. Et ces exhortations laisseront eh bien une trace bénéfique dans les âmes des gens et dans leur cœur. Alors que ceux qui sont yani, voués à la perdition, eh bien ces exhortations ne leur seront d'aucune utilité. والأمر الثاني أنه ينبغي الاجتهاد من الواعظ في موعظته باختيار الكلام الطيب وبيان الأحكام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال. Également la deuxième des choses que prouve ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام c'est qu'il convient de faire des efforts. Il convient à celui qui exhorte de faire l'effort dans son exhortation de choisir eh bien les bonnes paroles, les paroles justes. Et d'expliquer les règles, de les expliquer, eh bien, clairement, afin que ne subsiste aucun doute. وكذلك ترغيب الأمة والنصح لهم ابتغاء وجه الله عز وجل والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. Également, il convient à celui qui exhorte, eh bien, de motiver la communauté quand il fait cette exhortation et de les conseiller en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَرُبَّ كَلِمَةٍ تُؤَثِّرُ فِي الْقُلُوبِ فَيَتَحَوَّلُ النَّاسِ مِنْ حَالَةِ الْغَفْلَةِ إِلَى حَالَةِ الْإِسْتِيقَافِ. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une parole que tu dises, eh bien, soit utile à une personne et laisse des traces à tel point, eh bien, que son cœur, eh bien, passe de la distraction au réveil, juste par une parole, dans cette exhortation. ومن حال الإهمال والإقبال على الدنيا إلى الإقبال على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بسبب موعظة سمعوها. Également, il se peut que leur cœur, de par une parole dans cette exhortation, eh bien passe du laxisme à l'oubli et au fait de eh bien être voué à cette vie mondaine hein, et elle passe à quoi eh bien à se souvenir de l'au-delà et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de par la cause eh bien de cette exhortation hein, qu'ils auront écoutée et entendue. ولذا فكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ بليغه. Et c'est pour cette raison que les exhortations du prophète alayhi salatu wa salam eh bien, elles étaient éloquentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des exhortations, eh bien, il était éloquent. Tarzul quloub, hein, tarzul quloub. Yani, kanat mawa'idun nabi sallallahu alayhi wa sallam, tarzul quloub. Elle attaquait directement les cœurs. Wa nufus tuhibbu al-khayr wa tatma'innu bihi. Et il faut savoir que, eh bien, les âmes, elles aiment le bien. Elles sont, eh bien, Allah Azza wa Jal les a créées d'une façon innée à aimer, à la base, le bien. Et les âmes s'apaisent en réalité au bien. وَمَتَا وَجِلَتِ الْقُلُوبِ وَطْمَأَنَّتِ النُّفُوسِ بِالْخَيْرِ وَالْهُدَى دَمَعَتِ الْعُيُونِ عِنْدَ سِمَاعِ نُصُوسِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ. Et à partir du moment où est-ce que, eh bien, les cœurs s'apaisent et aiment le bien, hein, et frémissent à l'écoute de l'exhortation, eh bien, à ce moment-là, les larmes coulent. Les larmes couleront. Après avoir touché le cœur, eh bien, cela se retranscrit avec, eh bien, les yeux. C'est-à-dire que les larmes vont couler quand la personne, eh bien, écoutera les textes du Coran et de la Sunna. والأمر الثالث الترغيب في الاستماع والإنصات لموعظة الواعظ وتذكير المذكر وتعليم المعلم بشرع الله تبارك وتعالى ومتابعة ذلك. Également, ce qui prouve ou ce qui est prouvé dans ce hadith, c'est que, eh bien, ce hadith exhorte à écouter et à se taire quand la personne, quand une personne elle parle, quand celui qui exhorte parle, hein, et quand celui qui rappelle fait son rappel, et quand celui qui enseigne transmet son enseignement, l'enseignement est bien de, bien entendu, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa لينصرف السامع وقد فهم فهما جيدا ما سمعه. Pourquoi? Eh bien, ce hadith nous apprend cela, eh bien, afin de faire la même chose, bien entendu, pour que celui qui a écouté, eh bien, cette exhortation ou ce rappel ou cet enseignement, eh bien, puisse comprendre de la meilleure des manières ce qu'il a entendu comme exhortation ou enseignement ou rappel. Et c'est ce que nous apprend, eh bien, ce hadith, puisque les compagnons, ils ont écouté et ils se sont tus. فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَهُ. Et donc la personne tirera des bénéfices et des utilités de ce qu'elle a entendu, et elle sera utile en transmettant ce qu'elle a entendu à autrui. وَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمَوَاعِظَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَبِأَحَادِيثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي التي تخشع منها القلوب وتذرف عند سماعها الدم والعيون وتوجه السامع إلى العمل الصالح الذي يقربه إلى الله عز وجل زلفا. Et si, eh bien, les paroles du Coran et de la Sunna, hein, sont ainsi, c'est-à-dire que, eh bien, elles font frémir les cœurs et font couler les larmes, et bien, dans ces cas-là, celui qui les aura entendus, et bien, sera guidé vers quoi? Vers les œuvres pieuses qui le rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Également, ce que on peut tirer comme enseignement de ce hadith, c'est que ce hadith nous montre clairement l'intelligence des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum wa annahum humul adhkiya. Ça nous montre que ce sont eux véritablement les gens qui sont intelligents, qui étaient les meilleurs, hein, parmi l'humanité entière. Et ce qui prouve cela, c'est que un parmi eux, après avoir entendu l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rasulallah, on dirait, eh bien, que c'est une exhortation d'adieu. Ça prouve l'intelligence de la personne. Parce qu'ils ont, eh bien, capté véritablement, hein, ce que voulait dire le prophète alayhi salatu wassalam. Libalarat il maw'idha. De part, eh bien, l'éloquence de l'exhortation, ils ont capté, ils ont saisi le sens de cette exhortation en disant, eh bien, comme si c'était une exhortation d'adieu. Walishtimaliha ala a'zami al wasaya. المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق العباد. Ils ont compris cela parce que, eh bien, cette exhortation englobe quoi et renferme des conseils grandioses qui se réfèrent à quoi ? Au droit d'Allah Azza wa Jal en premier lieu et au droit également des serviteurs. La siyama haqq ulati al-umur min at-ta'a min at-ta'ati lahum fil ma'ruf wa at-ta'awun ma'ahum 'ala al-birri wa at-taqwa. Et surtout également, eh bien, le droit qui est relatif aux gouverneurs, hein, comme le fait de leur obéir dans le bien et de s'entraider avec eux dans la crainte d'Allah Azza wa Jal et la bienfaisance, wa adamil khuruji alayhim, et le fait de ne pas se rebeller contre eux. Id innal khuruj ala ulati al-umur ou ala ulati umur al-muslimin min sifat al-khawarij al-mufsidin fi al-ard والمكفرين لأهل الإسلام بدون دليل من عقل ولا نقل. Pourquoi ? Parce que le fait de se rebeller contre le gouverneur, eh bien, fait partie des caractéristiques de l'Khawarij. Hein, de l'Khawarij, yani ceux qui ont perverti la terre et qui rendent mécréants les gens de l'islam sans aucune preuve ni de la raison ni des textes. والأمر الخامس مشروعية أو مشروعية السؤال عن العلم ووجوب التفقه في الدين. Et la cinquième des choses qu'on tire de ce hadith, c'est qu'il est légiféré de demander, de questionner au sujet de la science. Comme le compagnon qui a questionné ici. Le compagnon, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Et il est obligatoire également, ça prouve qu'il est obligatoire d'apprendre sa religion. Il est obligatoire d'apprendre sa religion. Et quand on questionne et on apprend sa religion, eh bien, on l'apprend et on demande et on questionne, eh bien, les gens de science, ceux qui connaissent et qui ont le savoir de la législation musulmane. Ici, le compagnon, il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu tout cela, cette exhortation, il a demandé à apprendre sa religion. Il a dit, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il est obligatoire d'apprendre sa religion et de questionner au sujet de la science les gens de science. Puisqu'ici, il questionne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ay allimna wa'had ilayna bi'ahdin nalzamuhu min ba'dik. C'est comme s'il disait le compagnon radiallahu anhu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous. Et donne-nous un conseil auquel on s'accrochera après toi. Puisqu'on a vu qu'ils étaient intelligents, les compagnons, et ils ont senti que c'était une exhortation de quoi ? D'adieu. Et donne-nous un conseil auquel on va s'accrocher et qui nous rapprochera d'Allah Azza wa Jal et qui nous rapprochera de la demeure de ses bienfaits. Et qui nous éloigne du feu, et qui nous éloigne également de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahim Allahu al-qa'il inna al-ilma khaza'in wa mafatihuha al-as'ila. Et qu'Allah azza wa jal fasse miséricorde à celui qui disait la science est un trésor et ses clés, eh bien, c'est le fait de questionner. La science est un trésor et sa clé, c'est le fait de quoi de questionner. Wa al-amr as-sadis wujub nashr al-ilm. Et la sixième des enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il est obligatoire de propager la science. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à quoi à leur question. Wa kadhalika at-tahdhir min katmihi fi hudud ma ya'lam al-muallim. Également, on tire comme enseignement de ce hadith, c'est qu'il est interdit de dissimuler la science, selon les limites, et bien entendu, de ce que connaît celui qui enseigne. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يعهد إليهم بما ينفعهم ويقربهم إلى الله أجابهم إلى سؤالهم. Ce qui prouve cela, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a été questionné, hein, et qu'on lui a demandé conseille-nous, donne-nous une chose qui nous sera utile donne-nous un conseil qui nous sera utile et qui nous rapprochera d'Allah Azza wa Jal. Il aura répondu. Il aura répondu alayhi salatu wassalam. Faqala, usikum bi taqwallah Azza wa Jal. Il aura dit, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwallahi subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatullahi jalla wa ala lil awwalina wal akhirin. Faqala subhanahu wa ta'ala, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers. Puisqu'Allah azza wa jal a dit, et nous avons certes conseillé à ceux à qui nous avons donné le livre avant vous, ainsi que vous-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي أمر الله عز وجل تقوى الله هي أمر الله سبحانه وتعالى لعباده للناس أجمعين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى كند الله سبحانه وتعالى c'est l'ordre qu'Allah سبحانه وتعالى a donné à tous les gens. Allah سبحانه وتعالى il dit, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله تبارك وتعالى وهي أمر الله جل وعلا لعباده المؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى كند الله سبحانه وتعالى c'est l'ordre qu'il a donné aux croyants. Allah سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah عز وجل comme il se doit. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أمر الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إلى كند الله عز وجل c'est l'ordre qu'Allah سبحانه وتعالى a donné à son messager صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله. أو toi prophète crains الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الرسل لقومهم. فقال عز وجل إذ قال أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال أخوهم هود ألا تتقون إذ قال أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال أخوهم لوط ألا تتقون. Également, la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est l'ordre des messagers à leur peuple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque Nuh, leur frère Nuh leur a dit, ne craindrez-vous pas Allah Azza wa Jal, et lorsque leur frère Hud a dit à son peuple, ne craindrez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque leur frère Salih a dit à son peuple, ne craindrez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque leur frère Lut leur a dit à son peuple, ne craindrez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa Allah azza wa jal amar Allah jalla wa ala an nata'awana alayha. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne également, eh bien, de nous entraider dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Et entraidez-vous dans le bien et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwa Allah. Wa taqwa Allah azza wa jal, kama qulna jima' kulli khayr. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout le bien. Li'anna man ittaqa Allah azza wa jal, بامتثال المأمور به والشناب المحظور وأرضى الله تبارك وتعالى بذلك وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أحرز الخير بحذافيره بحذافيره. Pourquoi c'est le يعني le la crainte d'Allah Azza wa Jal englobe tout le bien, parce que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala en se conformant aux ordres de son Seigneur tabarak wa ta'ala et en délaissant ses interdits et en satisfaisant son Seigneur subhanahu wa ta'ala et en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien il aura atteint le bien de tous les côtés. Dans tous les côtés il aura atteint le bien. لأن الله عز وجل أمرنا بمتابعته وجعله إماما لنا وقدوة. Pourquoi? Parce qu'Allah عز وجل a fait quoi? A fait, eh bien, il nous a ordonné, pardon, de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a fait pour nous un imam et un exemple. وَلَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى جَنَّتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il n'y a pas un chemin qui mène au paradis si ce n'est le chemin qui était emprunté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, eh bien, nous a exhorté et nous a conseillé et nous a ordonné de quoi? De craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah azza wa jal, eh bien, qui englobe tout le bien, comme on l'a dit. ثم قال والسمعي والطاعة والسمعي والطاعة والسمعي والطاعة. Ensuite il nous dit, après avoir conseillé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte à quoi? Il nous exhorte à écouter et obéir. Écouter et obéir qui? لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين. Écouter et obéir les gouverneurs parmi les musulmans. وإن كان ضعيفا في النسب وصعلوكا في المال إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا. Peu importe le gouverneur, même s'il est, eh bien, il a une mauvaise lignée, et même s'il est faible, yani au niveau financier, à partir du moment où est-ce que c'est le gouverneur, on doit l'écouter et lui obéir. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa in kana abdan habashiyan, même si c'est un serviteur, un esclave abyssin, qui est votre gouverneur. On doit quoi? On doit l'écouter. Fasma'u lahu wa ati'u fil ma'ruf wa yajibu al wafa' lahu bil bay'a wa yajibu al nushu lahu wal iltifatu hawlahu aw al iltifafu hawlahu wa qu'il est obligatoire de quoi? D'écouter et d'obéir dans le bien, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et il est obligatoire également de lui prêter allégeance. Et il est obligatoire également de le conseiller et de s'unir autour de lui. Pourquoi? Eh bien, afin que les affaires religieuses et mondaines puissent, eh bien, se dérouler normalement. وَلَا يَجُوزُ الخروج عليه كما تصنع الخوارج. Et par contre, eh bien, il est interdit de se rebeller contre lui comme le fait ou comme le font les khawarij. ولا يجوز تنقصه ولا الوقوع في عرضه ونشر مثالبه هذا كله لا يجوز. Il est interdit également de le rabaisser et de parler sur son honneur, et également de proférer des propos dénigrants à son encontre. Tout ceci est interdit en islam. Même s'il prend tes biens et il te frappe, tu n'as pas le droit de parler sur le gouverneur. Et on a dans cela un excellent exemple. Les compagnons à leur tête et également les imams de l'islam, parmi eux l'imam Ahmad ibn Hanbal. Wa la yaf'alu dhalik illa ahlul ahwa wal bid'i wal dalal. Et ne fait cela, ne propage le mal et yani, la calomnie et la médisance, et ne parle et ne se rebelle contre les gouverneurs que les gens des passions, des innovations et de l'égarement. Et il est rapporté à Uthman ibn Abdillah ibn Mawhibin. Le fait justement, et ça, je vous ai évoqué une histoire yani, qui prouve que les gens des passions, eh bien, depuis la nuit des temps et depuis l'avènement de l'islam, c'est ce qu'ils font. Ils propagent la calomnie et la médisance et ils parlent sur les gouverneurs. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرِ حَجَّ الْبَيْتِ. Il rapportait que, eh bien, un homme parmi les gens d'Égypte est venu pour faire le Hajj, à l'époque de Uthman, radiallahu anhu, wa arda. Il est venu pour faire le pèlerinage. Fara'a qawman juloosan. Il a vu des gens qui étaient assis autour de la Kaaba. Faqala man ha'ula'i al-qawm. Il a dit, qui sont ces gens qui sont assis? Cet homme qui venait d'Égypte. Min ahli al-ahwa. Il a dit, qui sont ces gens qui sont assis? Qalu Quraysh. On lui a dit, c'est Quraysh. Parce qu'on était encore à l'époque des compagnons, radiallahu anhum. Faqala mani shaykh fihim. Qui est le shaykh parmi eux? parmi ces gens de Quraysh. قالوا عبد الله بن عمر. Ils ont dit c'est Abdullah ibn Umar, un grand compagnon connu. قال فقال يا ابن عمر. Et écoutez bien ce qu'il demande et ce qu'il dit. Il lui dit: ô fils de Umar, إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت. Il dit: je vais te questionner sur des choses, informe-moi sur ces choses. Hein, je t'appelle par Allah Azza wa Jal et de par yani cet endroit sacré qui est la maison d'Allah Azza wa Jal, informe-moi sur ces choses et dis-moi si elles sont vraies ou pas. فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدْ. Il lui a dit: est-ce que tu sais que Uthman, et ça c'est pour dénigrer, et c'est ce qu'il avait entendu en Égypte, pour dénigrer le gouverneur qui était Uthman à l'époque. Il lui a dit: est-ce que tu sais que Uthman s'est enfui le jour de la bataille de Uhud? Ibn Umar lui a dit: na'am. Il a dit: oui, je sais cela. Qala ata'lamu anna Uthman taghayyaba 'an Badr falam yashhadha. Ensuite, il lui a dit: est-ce que tu sais que Uthman, le gouverneur actuel, était absent lors de la bataille de Badr et il n'a pas assisté à la bataille de Badr? Qala na'am. Ibn Umar lui a dit: na'am. Qala ata'lamu anna Uthman تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها. Ensuite lui a dit: est-ce que tu sais que Uthman était absent lors du pacte d'allégeance de Ridwan et qu'il n'a pas assisté à cette allégeance? قال نعم. Ensuite Ibn Umar lui a dit: نعم, oui, je sais cela. Et regardez, les gens d'innovation, ils sont contents quand ils entendent ça. فكبر فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. De par yani, les réjouissances. Il était heureux. Ibn Umar, eh bien, il était au courant de ça et lui confirmait ces choses-là. Fakabbar, faqala Allahu Akbar. Faqala Ibn Umar. Alors Ibn Umar lui a répondu, il lui a dit: Ta'al, ubayyinu laka kulla ma sa'altani an. Il a dit: viens ici, que je t'explique, hein, et que yani, je te montre tous les sujets auxquels tu m'as questionné. Amma firaruhu yawma Uhud. Quant au fait qu'ils se sont enfuis le jour de Uhud. Fa ashhadu anna Allah jalla wa ala qad afa anhu wa ghafara lah. Quant au jour de Uhud, le fait qu'ils soient enfuis, j'atteste devant Allah Azza wa Jalla qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Wa amma taghayyubuhu an Badr. فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. Quant au fait qu'il se soit absenté lors de la bataille de Badr, eh bien sache qu'il était en train de s'occuper de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, qui était malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu auras la récompense d'un homme qui a assisté à la bataille de Badr et tu auras le butin, ta part de butin. Wa amma taghayyubuhu an bay'ati ar-ridwan. Mais quant à son absence lors du pacte d'allégeance, fa innahu لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بعثه مكانه. يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده صلى الله عليه وسلم وقال: هذه لعثمان. Et quant à son absence durant, eh bien, le pacte d'allégeance de Ridwan, eh bien sache que s'il y avait une personne meilleure que Uthman à Mecca, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait envoyé cette personne à la place de Uthman. Ce qui prouve qu'en vérité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé la meilleure personne, la meilleure des personnes à Mecca, qui était Uthman en tant qu'émissaire. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a envoyé. Et du fait de l'absence de Uthman radiyallahu anhu, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré sa main et il a dit: ça c'est la main de Uthman, hein? C'est-à-dire à la place de la main de Uthman, il a mis sa main le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et il a dit ceci, le pacte d'allégeance de Uthman. ثم قال ابن عمر للرجل اذهب بها الآن معك. Ensuite, ابن عمر رضي الله عنه, il a dit à cet homme, va avec, maintenant va avec, يعني ces informations avec toi. Prends-les avec toi. Et informe les gens qui t'ont informé de cela. Et de là, on voit, eh bien, que parmi, eh bien, la description de Khawarij, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de parler sur les gouverneurs. Et le fait de les dénigrer. Et le fait de vouloir propager la calomnie et la médisance, comme l'a fait cet homme qui était venu d'Égypte. Et alhamdoulillah, fi kulli makanin wa zaman, il y a des gens de science qui, eh bien, montrent et expliquent et réfutent ces gens-là, walillahi alhamd, comme c'était le cas d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, wa anhuma, eh bien, avec cet homme égyptien. Wal amru sabi' bayanu mu'jizati النبي صلى الله عليه وسلم ويتجلى ذلك في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Également, ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est, eh bien, qu'on voit clairement les miracles du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et cela apparaît clairement dans sa parole عليه الصلاة والسلام. Celui qui vivra parmi vous après moi verra, eh bien, énormément de divergences. Verra énormément de divergences. يعني أن من طالت به الحياة فسيرى اختلافا بين الناس في أمور الدين. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui, eh bien, à qui Allah Azza wa Jal allongera la vie, il verra quoi? Des divergences parmi les gens concernant leur religion. Et véritablement, c'est ce qui s'est produit. Après lui, les gens ont divergé. Les gens ont divergé. جاء في البخاري عن الزبير ابن عدي رضي الله عنه قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج حجاج بن يوسف فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Il est rapporté dans le Bukhari d'après Zubair ibn Adi رضي الله عنه qui dit nous sommes partis voir Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et nous sommes plaints auprès de lui concernant le Hajjaj ibn Yusuf. Le Hajjaj ibn Yusuf, il a tué plus de 120 000 compagnons et tabi'in. Il a tué Abdallah ibn Zubayr. Il a détruit la Kaaba avec une catapulte, le Hajjaj. Et ils se sont plaints à Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Isbiru, patientez. Patienter, car il n'y a pas un temps sans que celui qui lui succède n'est pire que le précédent, jusqu'à ce que vous retrouviez votre Seigneur. Il n'aura pas dit sortez et rebellez-vous. Les compagnons ont prié derrière le Hajjaj, malgré qu'il a tué des grands compagnons. Il leur a dit patientez, hein, car le temps qui vient, eh bien, est pire que celui qui a précédé, jusqu'à ce que vous retrouviez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai entendu cela de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et kullama ja'a 'am illa wa huwa sharrun min alladhi qablah. C'est-à-dire que à chaque année qui passe, quand vient une année, cette année est pire que la précédente. Dans les troubles et dans la divergence. Lima fihi min qabdi Allah 'azza wa jalla lil ulama. Pourquoi? Parce que, eh bien, chaque année qui passe, Allah Azza wa Jalla, il rappelle à lui des savants. لِأَنَّ الْعُلَمَا تَزْدَهِرُ بِهِمُ الدُّنْيَا. Et les savants, eh bien, la vie d'ici-bas s'illumine avec eux et avec leur présence. وَتَطِيبُ بِوُجُودِهِمُ الْحَيَا. Et de par leur présence, eh bien, la vie est plus douce. Mais quand ils meurent, eh bien, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Wa a'ni يعني بالعلماء العالمين بربهم والعالمين بشرعه والداعين الى ذلك على نهج الرسل الكرام والانبياء العظام واهل السنه من الانام لان الله جل وعلا هيئهم ليكونوا في مقام الرسل والانبياء في دعوه الخلق وبيان الحق والصبر على الاذى وهم يبلغون شرع الله عز وجل المطهر. Et quand on parle de savants, eh bien on parle pas de n'importe quel savant. On parle de ceux qui connaissent leur Seigneur véritablement, de ceux qui connaissent sa législation, tabaraka wa ta'ala, de ceux qui invitent à Allah Azza wa Jal selon, eh bien, la méthodologie des prophètes et des messagers, selon les gens de la sunna parmi la créature. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ces savants-là, hein, dont on a donné le descriptif, afin qu'ils soient à la place des prophètes et des messagers dans la prédication et dans l'appel, hein, de la créature, Allah Azza wa Jal, et dans l'explication de la vérité, et dans la patience quant aux désagréments qu'ils rencontreront dans cette prédication et dans cet appel à Allah Azza wa Jal. Et ce sont ceux-là, véritablement, eh bien, qui transmettent la législation d'Allah Azza wa Jal pure. فَعِنْدَ قِلَّتِهِمْ أَوْ عَدَمِ وُجُودِهِمْ يَكْثُلُوا الْإِخْتِلَافِ. Et plus, eh bien, leur nombre diminue, et plus ils disparaissent, plus la divergence apparaît et s'amplifie. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, certes Allah azza wa jal, eh bien, ne retire pas la science, hein, directement du cœur des gens, mais il la retire en rappelant à lui les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. À ce moment-là, les gens prendront à leur tête des ignorants qu'ils questionneront et qui donneront des avis juridiques sans aucune science, et ils seront égarés et égareront avec eux. Wal'iyadu billah. Fa'indama yakthuru l'ikhtilaf, fa'idha a'tasama an-nas bis-sunnati intafa l'ikhtilaf. Si la divergence se multiplie, si les gens s'accrochent à la sunna, bi'idhnillah, eh bien la divergence disparaîtra. وَإِنْ تَفَرَّقُوا وَقَصَّرُوا فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ الْإِخْتِلَافِ يَنْتَشِرُ وَيَكْفُرُ. Mais par contre, si les gens, eh bien, se divisent et sont négligents quant à l'application de la sunna, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, la divergence se propagera et se multipliera. كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra après moi parmi vous verra énormément de divergences. وَعِنْدَ الْإِخْتِلَافِ فَمَا هُوَ الْمَخْرَجِ. Et lors de la divergence, c'est quoi la porte de sortie de secours? C'est quoi le secours? C'est quoi la solution? الْمَخْرَجُ بَيَّنَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ici, la solution, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous la donne. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. La solution, c'est ça. La solution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous la donne, il est simple. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs ou de mes califes, pieux bien guidés. Ay ilzamu ma ji'tukum bihi bi ada'i al-fara'id al-mafruḍa wal-wajibat al-maktuba wal-ibti'ad 'an al-muharramat was-sayr 'ala an-nahj an-nabawi alladhi kana 'alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وأصحابه الكرام وعلى رأس أصحابه الخلفاء الأربعة. Prophète صلى الله عليه وسلم, quand il nous dit ça, c'est comme s'il nous disait: accrochez-vous à la chose avec laquelle je suis venu, hein, parmi le fait, eh bien, d'accomplir les obligations et de s'écarter des interdits et de cheminer sur quoi? Sur, eh bien, le chemin et le sentier prophétique sur lequel était le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et à leur tête qui? Eh bien, les quatre califes bien guidés. Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Radiallahu anhum ajma'in. Wa an sa'iri ashabi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait d'eux, des quatre et de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqad khassahum bidhikri limiziyatihim. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié, il a évoqué, hein, ici, les quatre califes, de par leur distinction et de par leur mérite par rapport aux autres. Falil khulafa il arba'a fadlun ala sa'ir as-sahaba. Il faut savoir que les quatre califes, ils ont un mérite plus grand que les autres compagnons radiyallahu anhum. Wa kullu sahabiyyin lahu fadlun wa qadrun 'inda Allah 'azza wa jalla. Il faut savoir que tous les compagnons ont une place respectable et ont un bienfait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont un bienfait également, une place respectable dans le cœur de qui? De ceux qui connaissent la législation. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَنَلَ فَضْلَهُمْ. Et personne après eux, personne qui est venu après eux, ne peut atteindre leur degré. لِأَنَّ شَرَفَ الصُّحْبَةَ خَاصٌ بِهِمْ. Pourquoi? Parce que justement, ils ont, Allah Azza wa Jal leur a donné l'honneur et les a gratifiés d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une de leurs spécificités. Ils ont accompagné le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du moment où est-ce que Allah Azza wa Jal les a choisis pour son messager, eh bien ils sont meilleurs que les autres. وَلِذَا نَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ قَدْرِهِمْ جَمِيعًا وَفَضْلِهِمْ بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبَ فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. Et c'est pour cette raison que le prophète صلى الله عليه وسلم attire notre attention sur quoi? Sur leur respectabilité et leur mérite à tous et leurs bienfaits, en disant: si l'un d'entre vous possédait l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il le dépensait dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas atteint leur degré et ne serait-ce que la moitié du degré de l'un d'entre eux. Et ça prouve leur mérite radiyallahu anhum wa ardahum. فأرشد إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith de l'Irbad, il guide vers quoi? Vers sa sunna. Et il nous dit de nous cramponner à sa sunna, sa tradition, et à la sunna de ses successeurs bien guidés, les califes. وسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la sunna des califes, c'est la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يمكن أن يأتوا بشيء يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible à l'un d'entre eux de ramener une chose qui divergerait de la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. لكن لالتزامهم واعتصامهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الجهاد وعمله والدعوة إلى الله عز وجل وكيفية أدائها والنصح للخلق وغير ذلك من إقامة الشعائر كلهم تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais du fait que les compagnons radiyallahu anhum se soient accrochés à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la lutte ou dans les œuvres ou dans la prédication vers Allah azza wa jal, ou dans la manière de prêcher Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans le conseil qu'ils ont donné à la créature et autres, parmi le fait d'avoir appliqué les rituels apparents de cette religion, ceci prouve que tous ils se sont accrochés au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents, à pleines molaires, c'est-à-dire avec les molaires, pas avec les incisives. Avec les molaires. Parce que quand tu attrapes avec les molaires, tu lâches pas. وهذا امر صريح في تعلم السنه اولا وبذل الجهود حتى يحصل المسلم على نصيب وافر مما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Il y a dans cela un ordre clair quant au fait d'apprendre la sunna du messager صلى الله عليه وسلم et quant à fournir des efforts afin que le musulman s'accapare une part complète de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهُوَ أَثْمَنُ مِرَاثٍ وَأَغْلَاهُ. Pourquoi? Parce que la sunna du messager et le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose la plus précieuse. C'est l'héritage le plus précieux. وَبِهِ كُلِّفَتْ الْبَشَرِيَّةِ وَأُمِرَتْ بِلِلْتِزَامِ بِهِ وحذر من المحدثات. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a quoi? Il a mis en garde contre les nouveautés dans la religion. فقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور. Prenez garde aux nouveautés. أي احذروا محدثات الأمور. والمحدثات جمع محدثة وهو إحداث في دين الله عز وجل. Les nouveautés, c'est quoi? Les nouveautés, eh bien, c'est les nouveautés pas dans la vie mondaine, mais dans la religion. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, innover une chose qui n'en fait pas partie et qui n'était pas présente à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des califes bien guidés. فَمَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ عَنِ الطَّرِيقِ. Celui qui innove une chose dans la religion, eh bien, il sera considéré comme un innovateur qui se sera égaré du sentier sur lequel était qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala alayhi salatu wa salam fi hadith Aisha radiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha radiyallahu anha, il dit: celui qui innove dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, et eh bien cette chose est rejetée. Wal amru huwa ad-din, et l'ordre ici c'est la religion. Celui qui innove une chose dans la religion qui n'en fait pas partie, cette chose est rejetée. فَمَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ فَمَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ عَمَلْ أَوْ إِضَافَتِهِ إِلَى أَصْلٍ أَوْ إِبْتَدَعَ بِدْعَةً فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيُرِيدُ مِنَ الْعِبَادِ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَافَقَ عَلَى بِدْعَتِهِ وَلَا يُتَابَعَ عَلَيْهَا. Il faut savoir que, eh bien, celui qui innove dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, que ce soit une œuvre, ou qui rajoute une chose à un fondement, ou qui ajoute une innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal de son propre chef, et qui l'applique, et qui veut que les gens l'appliquent, eh bien, celui-là est innovateur, égaré. Et il est interdit, eh bien, de le suivre dans son innovation. Il est interdit de le suivre dans son innovation. ولخطر البدعة جاء هذا التحذير النبوي. Et la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue pour montrer quoi? Les dangers de l'innovation. فقال وإياكم ومحدثات الأمور. Prenez garde aux nouveautés dans la religion. معللا بعلته وهي قوله فإن كل محدثة بدعة. Et il donne la cause. Hein, il la cause en disant: car toute nouveauté est innovation. كل ما أحدث الناس في دين الله فهم مبتدعون بذلك الإحداث. Tout ce que les gens auront innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien ces gens-là seront considérés comme innovateurs à cause, eh bien, de cette innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est égarement. والضلالة هي الميل على إلى الباطل قولا كان أو فعلا ظاهرا أو باطنا. Et l'égarement, c'est le fait de pencher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute innovation est égarement. Et l'égarement, c'est le fait de pencher vers le faux, que ce soit avec la parole ou que ce soit avec des actes apparents ou cachés. أما السنة فهي هدى. Alors que la sunna, eh bien, la sunna, c'est une guidée. والالتزام بها هداية. Et le fait de se cramponner, hein, et de s'attacher à cette sunna, eh bien, c'est une guidée. والوقوع في البدع ضلالة. Alors que le fait de tomber dans les innovations, c'est un égarement. والضلالة تجر إلى النار. والعياذ بالله. Et l'égarement, il mène à quoi? Il mène au feu. كما في الرواية التي عند الإمام النسائي. Comme c'est rapporté dans la version de l'imam النسائي. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et toute innovation est égarement et tout égarement mène au feu. والعياذ بالله. أي صاحبها في النار وبئس القرار. C'est-à-dire que celui qui commet cette innovation ira en enfer dans le feu, et quelle mauvaise demeure. فالبدع خطر وشؤم على أصحابها وعلى أتباعهم والمقلدين لهم فمن أسس المحدثات والبدع حمل وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Il faut savoir que les innovations sont un danger et une honte pour celui qui les commet, et une honte également et un danger pour celui ou ceux qui suivent les innovations et les innovateurs. Et celui qui est à la tête et innove en premier lieu une innovation, il aura à en supporter le fardeau. Et également, il supportera le fardeau de tous ceux qui ont appliqué son innovation, jusqu'au jour de la résurrection. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Il est rapporté dans une version que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit: je vous ai certes laissé sur le chemin clair, de jour comme de nuit, il est clair ce chemin, et ne s'en écarte après moi que celui qui est voué à la perdition. أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها بيضاء نقية. C'est-à-dire que ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam veulent dire que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il est venu alayhi salatu wa sallam, eh bien c'est une législation éclatante, claire, pure. لا عيب فيها ولا خلل ولا قصور ولا التباس بل هي واضحة كالشمس في رائعة السماء سحوا لا سحابة دونها ومن طلب ذلك وجده. يعني dans cette législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun défaut, aucun vice, aucune déficience, aucune confusion. Elle est claire comme le soleil qui est éclatant en plein jour, où il n'y a, yani dans un ciel où il n'y a pas aucun nuage. Et celui qui véritablement recherche cela, il le verra. ومن أعرض عنه خفي عليه وبعد عنه. Et celui qui se détourne de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui sera dissimulé et il s'en écartera de ce chemin. لأنه لم يأتي بالسبب فحذر من الزيغ عنها وأهل البدع الزائرين عن السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre le fait de dévier de ce chemin et de cette sunna. Et il met en garde contre qui? Contre les gens de l'innovation qui dévient de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de la suivre et de s'y cramponner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et celui qui vivra après moi parmi vous verra énormément de divergences. كَمَا مَضَى مُعْجِزَةٌ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Comme on a vu précédemment, ça prouve le miracle de la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام. وَالِاخْتِلَافَاتُ تَكْثُرُ وَتَزْدَادُ بِتَعَاقُبِ الْأَعْوَامِ. Et les divergences se multiplient et s'ajoutent de plus en plus. Plus les années passent et plus les divergences se propagent et se multiplient. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال أما بعد فإن خير الكلام أو خير الحديث كتاب الله. Et dans la version de l'imam Muslim, après le hadith de Jabir رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: la meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah عز وجل. وفعلا نعم كتاب الله أو كلام الله خير ما نطق به اللسان. Et véritablement, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les choses ou sont les meilleures choses avec lesquelles ou que puisse prononcer quoi? La langue. وخير الذكر لأنه كلام الله عز وجل وكفى. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont le meilleur des rappels, car elles sont justement les paroles d'Allah azza wa jal. Et le fait de dire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit pour dire que ce sont les meilleurs. Ma'a ma fihi min dhikri al-ahkam allati tahtaju ila ma'rifatiha al-umma wa dhikri al-fara'id al-muta'addida wa at-tawjihat min Allah subhanahu wa ta'ala wa ar-rudud 'ala al-mushrikin wal-munafiqin wal-mulhidin wal-mujrimin wal-mufsidin. والإشادة في أعمال الصالحين والترغيب فيها. Il y a dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce dont a besoin cette communauté. Les paroles d'Allah azza wa jal évoquent eh bien, les obligations nombreuses, évoquent également eh bien, les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dedans une réfutation contre les associateurs, contre les hypocrites, contre les criminels, contre ceux qui sèment la turpitude sur la terre. Et également les paroles d'Allah Azza wa Jal exaltent et glorifient les œuvres des pieux et exhortent à accomplir leurs œuvres. Et dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est évoqué le paradis et l'enfer. Et également dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué ce que les gens ne savent pas, des choses eh bien, de l'invisible que les gens n'ont pas pu attester, comme ce qui s'est passé et ce qui s'est produit concernant les communautés qui nous ont précédés et également yani, leurs histoires avec leurs messagers. وَمِمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ وَفِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ. Également Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran ce qui va se passer dans la vie intermédiaire entre cette vie mondaine et la vie de l'au-delà, yani le barzakh. Et également, il nous informe de ce qui va se passer dans le Coran, de ce qui va se passer dans l'au-delà. مِمَّا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى جَلَسَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَوَاصِلَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte tout cela dans le Coran. Et si on devait, eh bien, en parler, on en parlerait encore dans de nombreux cours. لما له من الأثر في قلوب المؤمنين لأن المؤمن إذا ذكر بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وذكر بالعمل الذي يكون سببا في تبوء منازلها شمر عن ساعد الجد وبذل جهده لأنه يعلم بأن الحياة الدنيا حياة مفارقة. يد القرآن ها et bien où ce Coran laisse des traces dans le cœur des croyants. Car le croyant, quand on lui rappelle le paradis et ce qu'il y a comme délices dans ce paradis, ou quand on lui rappelle eh bien, les œuvres qui seront ou qui sont une cause d'entrer au paradis, eh bien, le croyant, il retrousse ses manches et il essaye d'appliquer ces œuvres-là. Et il fait les efforts au maximum. Car il sait, le croyant, il sait que cette vie d'ici-bas, c'est une vie, eh bien, dont il va se séparer. Et que cette vie, elle a un début et une fin. Et plus encore, cette vie est très courte. La vie mondaine, la vie d'ici-bas, c'est une vie qui est extrêmement courte. وَيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ سَيَنْتَقِلُ إِلَى حَيَاتِ الْجَزَاءِ عَلَى الْعَمَلِ. Et le croyant, il sait eh bien, qu'il va se déplacer vers une vie où est-ce qu'il sera récompensé pour ses œuvres. وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ الْقَبْرِ. Et le premier ou la première étape de l'au-delà, c'est la tombe. فَهُوَ مَسْئُولٌ فِيهِ وَمُرْتَهَنٌ بِعَمَلِهِ. Il sera questionné hein, et il sera engagé yani, selon ses œuvres dans sa tombe. وحياته برزخية إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم والعياذ بالله. Il faut savoir que sa vie intermédiaire hein, dans la tombe, ce sera soit un délice qui perdurera jusqu'à la levée de l'heure, ou soit ce sera un châtiment douloureux. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. بحسب العمل الذي أسلفه في هذه الدار. Et cela sont les œuvres que le croyant aura fait dans cette vie d'ici-bas, dans cette demeure qui est éphémère et qui passe. يقول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé hein, dans les jours passés, ce que vous avez avancé comme œuvre dans les jours passés, yani dans cette vie mondaine. فإذا جاءت الآخرة قام الحساب والجزاء على الأعمال وحصلت الأهوال والكروب والشدائد التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم. Et quand eh bien l'au-delà arrive, eh bien les comptes, les gens rendront des comptes selon leurs œuvres. Et les difficultés à ce moment-là commenceront. Et ces difficultés, Allah Azza wa Jal nous en informe dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran. فأخبرنا عن بعث الخلائق حفاة عراة وأخبرنا أن أبصارهم ستكون شاخصة إلى السماء وأخبرنا عن نصب الموازين لأعمال العباد ومد الجسر على متن جهنم لعبو يعني ليعبره الناس على حسب أعمالهم وأخبرنا بالحوض والميزان والجنة والنار وإذا ذكر المسلمون بذلك استعدوا بشيء من الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل وتنجيهم من عذابه فلا شك أن القرآن أفضل الكلام. الله سبحانه وتعالى القرآن il nous informe qu'on sera ressuscité nu et non circoncis. Il nous informe que les regards des créatures se tourneront fixement vers le ciel. Il nous informe dans le Coran que les balances pour les comptes seront placées. Et il nous informe également que le pont au-dessus de l'enfer sera étendu. Et que les gens y passeront selon le degré de leurs œuvres. Il nous informe également du bassin du prophète alayhi salatu wassalam et de la balance qui pèsera nos œuvres. Et il nous informe du paradis et de l'enfer. Et le croyant, quand on lui rappelle cela, eh bien, il se prépare. Il fait les causes pour se préparer en faisant des œuvres qui le rapprocheront d'Allah Azza wa Jal et qui le sauveront, bi'idhnillahi ta'ala, de quoi ? Du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et de là, on voit qu'il n'y a aucun doute que le Coran est la meilleure des paroles. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا بحفظه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.